Crosby. Derrière à Aiguilla. Aiguilla vers Crosby. Allez! That's like here's a shot. Henderson made a wild stab worth spell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson has scored for Canada. Alors donc 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont gagnés. Tire le bouton. Et le but. C'est long et c'est capté. Julian Fairley fait jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rouge et or. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, l'émission qui vous parle de sport de partout à travers la planète, mais surtout à Mauricie, le « woo » que vous avez entendu, c'était woo! Philippe Doucet. Ça va bien Philippe? Oui, t'as l'air dans une forme splendide ce matin. Oui, je découvre les joies de se lever tôt. Ce que tu veux dire exactement? Ben, depuis le début de la semaine, en fait, pendant la semaine de relâche, j'ai comme pas eu de relâche, donc okay. Je me suis levé tôt à tous les matins, donc je me suis dit que j'étais aussi bien de me motiver à me lever tôt puis à apprendre à aimer ça. Tu deviens un homme matinal, toi? Non, quand même pas. Okay. Je vis avec le fait que... Mais okay. Je me couche tout aussi tard. Fait qu'à un moment donné, ça va fesser, mais c'est pas grave. Non, mais moi, j'ai déjà eu un de mes chums qui avait beaucoup lu là-dessus, puis ce qu'il me disait, c'est si t'habitues à la longue ton corps à dormir seulement 6 heures et non pas 8 heures... Tu vas être quand même très capable de passer tes journées. C'est sûr qu'une nuit de 4 heures, c'est plus compliqué, là. Mais tu sais, 6 heures, tu peux quand même survivre. Ouais, mais bon, il y aura des docteurs qui viendront me contredire. Oui, ben, de toute façon, les docteurs se contredisent entre eux. Ouais, donc, c'est ça. Donc, mais s'ils veulent me contredire, live à commercial, inconduitedeparti.com, notre site web. Aussi, j'aimerais rajouter une petite pensée pour les gens au Japon qui doivent subir une des plus grosses catastrophes naturelles de l'histoire moderne. Les images sont vraiment pas belles ce matin, là. Tout ce qu'on peut voir sur. J'ai été surpris, moi. J'ai malheureusement pas pu allumer la télé ce matin chez moi et de voir ça ici à notre niveau au travail. Oh boy, ça donne un choc de voir que ces gens-là y ont goûté comme ça. Ouais. À l'autre micro, Marc-Antoine, ça va bien? Ben ouais, ça va bien. J'allais dire, je viens de découvrir les joies d'habiter au Québec avec, c'est ça justement, qu'est-ce qui se passe au Japon présentement. Mais, Parce qu'on le sait, ouais. Tu n'es pas un Gaspésien d'origine depuis toujours. Hein? Non, je suis un petit japonais, non? Non, mais t'as comme toujours habité au Québec? Non. Non, dans le sens qu'au Québec, on n'est pas à risque pour des choses comme le tremblement de terre. Je vais retourner dans l'ordinateur, je vous réinterromperai à la prochaine, Philippe. Ouais, salut, bye. Alors, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus, Marc-Antoine. On est bien, on est choyé là-dessus au Québec. Regarde-nous, un matin, on doit se contenter d'une pluie et d'une slush qui fait que nos souliers sont mouillés, mais c'est tout ce qu'on a à payer. On va le prendre. Alors ce matin à l'émission, on va quand même, c'est assez chargé, merci. On va tout d'abord débuter avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai changé l'ordre un petit peu, là, vous êtes habitués aux Patriotes. On va plutôt terminer avec les Patriotes dans la dernière demi-heure de l'émission. On va bien sûr parler du Canadien de Montréal avec Jonathan Bernier de Rue Frontenac. Quoi d'autre à parler à part la défaite d'hier? Bien sûr, du coup de Zdeno Chara sur Max Pacioretty. On vous livre nos impressions. J'ai d'ailleurs écrit un texte hier là, sur inconduitedeparti.com. Vous irez lire, je pense que je me suis ouvert le cœur sur le statut des joueurs de la Ligue nationale présentement qui sont comme du bétail tout simplement. Et on va parler de hockey à Mauricie, on va parler c'est aussi vendredi donc la chronique foot de Philippe et c'est pas mal ça donc pour l'émission. On va tout d'abord commencer en musique. On va aller écouter un peu de Major Lee avec une chanson que je vais dédier à tous ceux qui ont un peu trop fait le party hier, qui se sont retrouvés. Le Back to 50, donc ils se sont retrouvés avec une petite dame à côté d'eux autres ou un petit monsieur qu'ils connaissent pas. La chanson, c'est la pilule du lendemain, Major Lee. On s'amuse. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ordres de C'est Fou. Sans savoir que j'allais le regretter toute la journée. Ce qui est dur à avaler, c'est de payer pour simple péché d'avoir trop fêté. Une chose qui serait à inventer. moi. La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends tout. Bah, écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. C'est quoi, tu vas faire ça à chaque retour de chanson? Ah, là? Peut-être. S'il te plaît, aujourd'hui, arrête. Aujourd'hui. Alors, on va y aller tout d'abord. On va parler de... en passant à la chanson Major League avec la pilule du lendemain. On va maintenant parler de hockey junior majeur, messieurs. Les Cataractes étaient en action hier soir du côté du Centre Bienness. Ils recevaient les pauvres, très, très pauvres Huskies de Rouyn-Noranda. Pour du côté des Huskies, là, on est au dernier rang du classement général de la Ligue. On tente seulement de survivre la fin de saison et on a hâte d'arriver aux vacances, aller chercher les bâtons de golf. Quoique la saison se termine dans la semaine prochaine, là, donc ce ne sont pas des très gros bâtons de golf. Là, on va patienter, mais on a hâte que ça se termine. On se dirige vers du côté des Huskies. On espère terminer dernier. On termine dernier, c'est officiel, mais on espère toujours... être choisi dans le boulier, le fameux boulier pour le repêchage. On sait que les deux équipes qui vont terminer hors des séries il va avoir une pige pour le joueur nommé Nathan Mathieson, qui est l'espoir numéro un pour le prochain repêchage et qu'on aimerait bien voir se pointer dans les terres de l'Abitibi du côté de Rouyn-Noranda. Hier, du côté du Centre Bienness, bon, ben, les Cataractes, c'était une domination totale. Dans un match, là, plate. Très, très plate. Moi, on va être quelqu'un qui a payé 14$ pour aller voir ce match-là. C'est mon premier match avec Junior Majeur. Je n'ai pas nécessairement le goût d'y retourner. C'était un match, les Huskies ont offert aucune réplique à l'attaque des Cataractes. Quand même, ça s'est terminé 4-2 et même ça a été 3-2 pendant un long moment. C'est-à-dire que les buts de Shawinigan ont tous été en première période, sauf leur dernier qui était en troisième. Donc, le sommaire dans ce match, Rouyn-Noranda ouvre tout d'abord la marque. Ryan Mercier, son deuxième de la saison à 5 minutes 42 en première. Ryan Labrie, son deuxième de la saison. Ryan Labrie faisait un bout qui n'avait pas joué. Compte à 11 minutes 15. C'est suivi de Peter Sakaris une minute plus tard. Et finalement, en fin de première période, Benjamin Cazavant, son 29e de la saison à 17 minutes 47. Et là, seulement Rouyn-Noranda compte un but en deuxième. Robbie DeFivelis qui a compté sur le tir de pénalité. Donc on l'avait accroché et il a réussi à déjouer le gardien Gabriel Girard qui pouvait pas faire grand chose. C'était une très belle feinte là du côté de DeFivelis. Et en troisième période, c'est Yannick Veilleux finalement qui en avantage numérique déjoue le gardien Jeffrey Noonan. Noonan, là, écoutez, dans ce match-là, a effectué 39 arrêts sur 43 lancés. Donc pas de mauvaise performance du côté de Noonan. On n'a pas grand chose à se reprocher. Mais quand t'as pas personne en avant pour aider, c'est pas facile. Et c'est difficile cette saison pour Noonan parce que il a toujours pas connu la victoire en 19 décisions. Donc 19 défaites, aucune victoire. Jeffrey Noonan, on discutait avec lui après la partie. A très hâte son premier gain, c'est bien évident. Mais le mental a l'air là. Pas l'air d'un gars qui est à terre, qui le sait, mais il nous a avoué que parfois, il y a de la misère à être focus pendant 20 minutes. Pas 20 minutes, excusez, 60 minutes de la durée d'un match entier. Il y a de la misère à rester concentré sur son match. Et moi, je me dis, quand t'es rendu joueur de junior majeur, gardien de but, surtout junior majeur, t'es supposé d'être capable d'être focus pendant 60 minutes. Surtout quand tu reçois 45 lancés par match. Ouais, ben là, supposé d'être là. C'est ça. Je peux te dire qu'il était focus. Il a joué un excellent match, mais du côté des Huskies, on n'a pas réussi à lui donner la victoire. Du côté de Rouyn, on subit encore la transaction Patrice Cormier là, qui a vidé le club pour un match. T'as 4-5 matchs à peu près du côté de Patrice Cormier. L'attaque Patrice Yal qui a marqué le junior majeur. Un coup qui était suspendu, lui. Il s'est fait suspendre, Patrice Cormier. Oui. Il mâchait de la gomme. Hein? Sur Michael Tam. Ouais. De quoi il mâchait de la gomme? Non, mais pour dire que c'était une suspension bidon. Ah, ok, oui. Mais qu'il y avait son coup contre Michael Tam. D'ailleurs, on en reparlera tantôt. Ouais. Michael Tam a été encore au centre d'une autre suspension cette semaine. Donc, j'en glisse un mot tantôt. Donc, avec cette victoire, les Cataractes reprennent le 7e rang au classement avec 81 points. Ils devancent les Maniacs de Weston. Donc, Donc, on le sait, du côté des Cataractes, si on termine au 8e rang, on va affronter Victoriaville, probablement. Il y a des chances qu'on se rencontre. Ou Moncton, si on est au 7e rang, ben, c'est encore Victoriaville ou Moncton, tout dépendant qui finit où. Donc, il reste 4 matchs encore à la saison. Donc, c'est pas beaucoup, là. Et en arrière, je vous en parle, là, dans la course pour le 16e rang et le dernier qui permet d'accéder au classement, les Screaming Eagles de Cap-Breton ont présentement une avance de 6 points sur le Drakkar de Baie-Comeau. Les deux équipes restent 4 matchs à jouer. Donc, ça regarde mal pour Baie-Comeau. On tente d'aller rejoindre les Screaming Eagles, mais là, ça va risquer d'être difficile. Par contre, ça va mieux. Honnêtement, là, même si on c'est pas impressionnant pour Baie-Comeau, c'est déjà un petit peu mieux qu'au début de la saison. Je pense qu'on avait eu une séquence d'à peu près 20 matchs sans victoire. Là, j'estime le nombre, là, mais ça ressemblait à ça. 20-25 matchs là, du côté de Baie-Comeau incapable de gagner. Quand même, on se bat pour une place dans les séries. Et dans les 10 derniers matchs, voyez-vous, on est 4 victoires, 6 défaites du côté de Baie-Comeau. Si on aurait gardé cette fiche-là durant toute la saison, c'est plate à dire, mais on aurait fini pas mal plus haut. Donc, on va aller écouter les commentaires d'Éric Veilleux, l'entraîneur-chef des Cataractes après ce match-là. On a demandé à Éric Veilleux si le pointage serré dans cette partie-là l'avait apeuré un peu, malgré le fait que les Cataractes dominaient la partie. Ben franchement, la power passée, la petite séquence qu'on a eue, là, même comme coach, t'as pas mal moins peur. C'est tout ce que je peux dire. T'sais, quand j'ai dit que ça nous a permis de se retrouver un petit peu, puis de jaser, puis de parler de plein de choses, là, t'sais, que ce soit des punitions, que ce soit quand on a l'avance, quand on tire l'arrière. Ou, on en a jasé, puis regarde, on a gardé notre calme, puis le résultat est là. Donc exactement, on a gardé notre calme. Bien sûr, Éric Veilleux parlait de mauvaise séquence. Je pense que du côté des Cataractes, on le sait, on a connu à peu près 6 défaites de suite là dernièrement, 5-6 défaites de suite. Et c'était tout de suite après notre meilleure séquence de l'année. Donc on est passé du meilleur au pire en très peu de temps là du côté des Cataractes. Et de les voir bon gagner hier, ça n'a pas été spectaculaire, mais on a effectué le travail. Et c'est bon au moins de voir l'équipe. Parce qu'on sait que quand on gagne, c'est là qu'on peut tomber de haut. C'est arrivé deux fois cette saison que les Cataractes, après des longues séquences de victoires, sont tombés de haut et ont subi des longues séquences de défaites. Donc, on devra apprendre à rebondir rapidement du côté des Cataractes quand tout va bien, là, de pas tomber sur un air d'aller plus lent parce que tout est facile, tout est simple. Écoutons maintenant les commentaires d'après-match d'André Tourigny, le pilote des Huskies de Rouyn-Noranda. C'était dans le match quand même une bonne partie. Tu sais, même si vous dominiez, là, ouais. Veux pas, c'était quand même par un but pendant un bon bout. Oui, définitivement. Je pense que ça, la dernière fois qu'on a joué contre eux autres, ils étaient très confiants. Mais tout ce qui touchait, là, ils mettaient dedans. Là, aujourd'hui, on a vu que c'est une équipe qui était un petit peu différente. Sauf que de notre côté, je pense on aurait aimé fournir une meilleure position. Mais ça fait deux matchs contre eux qu'on a de la difficulté. Il faut lui donner crédit. Je pense qu'ils ont travaillé fort, ils ont bien passé la rondelle. Nous, on a fait la différence pour permettre d'avoir un match serré. Donc, exactement comme j'expliquais tantôt, Jeffrey Noonan, qui a connu une bonne performance là, du côté des Huskies, un des seuls, malheureusement, pour qui eux ont subi la défaite hier soir. Donc, je suis pas mal ce qui conclut pour ce match-là du côté des Cataractes. Il n'y avait pas beaucoup d'histoires à donner, là, honnêtement. On dispute deux matchs cette fin de semaine du côté des Cats et ça va être deux matchs pas nécessairement faciles. Tout d'abord, contre Victoriaville, c'est ce samedi à 16h du côté du Colisée des Jardins, dans les Bois-Francs directement. Et dimanche, encore moins facile, on est à Québec. Les Remparts qui jouent du très gros hockey présentement. Donc, on va aller écouter les commentaires de... on a demandé à Éric Veilleux à quoi qu'il s'attendait pour les parties de cette fin de semaine contre ces deux équipes. Oui, un gros 4 matchs là, sur la route. Regarde, Victor, vous savez, il y a des chances qu'on les joue en séries éliminatoires. Québec, grosse machine qui joue du gros hockey dernièrement. Ensuite, nos deux dernières en Abitibi, jamais facile de gagner les matchs de hockey là-bas, donc... Regarde, c'est important de continuer à bâtir sur qu'est-ce qu'on a effectué ici, là, les deux derniers matchs. Je pense que ça va être 4 matchs. Ben, c'est les 4 derniers matchs de la saison, donc c'est niaiseux de dire que c'est ce qui va permettre de montrer de quoi peuvent se chauffer les Cataractes en série. Mais je pense vraiment que le match contre Québec pourrait être un baromètre pour vraiment faire où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va, comment qu'on va, quelle attitude et quelle force on va entrer en série. On sait que Québec, comme je disais tantôt, très grosse formation, donc ça va être un petit peu plus difficile parce que les matchs en Abitibi, bon, ça risque pas d'être des gros défis. Victoriaville, comme je dis, ça peut être un petit peu plus difficile. Je pense aussi qu'on doit passer un message du côté des Tigres, qu'on est capable de battre les Cataractes, surtout si on se rencontre en série, donc on va arriver un petit peu plus motivé de la part des Tigres. Et on parle maintenant des autres équipes de la Ligue, c'est-à-dire de la Ligue qui sont dans la région, là, la région éloignée de la Mauricie, centre du Québec, bien sûr. Donc, les Voltigeurs de Drummondville sont en action ce soir, c'est contre le Junior de Montréal. C'est à 19h05 du côté de Montréal. Et du côté de Victoriaville, on est en action, on est à Québec. Et c'est à 19h au Colisée de Québec, en attendant que l'autre soit bâti. Et monsieur, d'autres petites nouvelles là du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tout d'abord, je parle de deux formations de la région là, Victo et Drummond, qui vont s'unir pour déposer leur candidature pour accueillir les championnats mondiaux des moins de 17 ans. Donc, pour ceux de 2013, on savait déjà que Victoriaville allait être impliquée, mais de voir Drummondville s'ajouter aussi à cette course, si on peut dire, c'est bon aussi parce que ça va donner une candidature qui a beaucoup plus de mordant. Drummondville, Victoriaville, c'est pas nécessairement très loin non plus. Là, on parle d'à peu près 45 minutes quand il neige un petit peu. Donc, ça se fait facilement. Et on a deux beaux arénas quand même qui peuvent accueillir. Ben, beaux arénas, là, excusez, Drummondville, c'est pas un très bel aréna. Mais Victoriaville, depuis qu'ils ont rénové l'endroit, là, félicitations, c'est rendu un très bel aréna pour un petit marché comme les Bois-Francs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Autre nouvelle, bon, ben, c'était confirmé aussi. Victoriaville va accueillir un autre événement, c'est-à-dire le défi Subway, qui va être présenté l'an prochain à Victoriaville et à Québec. Donc, Victoriaville qui, je ne sais pas si on peut dire, qui s'inspire un petit peu des Cataractes, mais on s'implique de plus en plus pour se faire voir à travers la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour dire notre concession est sérieuse et on veut accueillir des événements. Et je pense que j'en parlais, là, mais le Colisée Desjardins, là, c'est... Autant que j'ai trouvé que les Cataractes sont devenus une formation beaucoup plus professionnelle dans leur façon de faire quand le centre Bionest a ouvert, autant que le Colisée Desjardins semble donner un petit coup de pied au bon endroit chez les Tigres de Victoriaville. Et on se dit, bon, ben, on a un bel endroit qui est rénové, on va réussir, on va courir avec ça et on va tout faire pour que tout aille mieux du côté de notre club. Autre nouvelle, ben là, on va en parler. Il y avait un match de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec qui était présenté à RDS cette semaine. Les deux anciens gagnants de la Coupe Stanley. Ben oui, c'est Patrick Roy et Carbonneau qui s'affrontaient. Et bon, il était dans le marketing du côté d'RDS pour vendre ce match-là. Ouais. Comme si c'était un match historique où deux anciens Canadiens allaient s'affronter. Puis deux qui ont gagné la Coupe Stanley en 93. Je sais pas, moi j'avais de la misère avec ça parce que je pense pas que ce soit une révolution que Patrick Roy et Guy Carbonneau s'affrontent. Je veux dire, du côté de Moncton, on a Saint-Jean, on a Gérald Gallant qui est derrière le banc, qui était entraîneur dans la Ligue nationale. Donc, quand lui et Patrick Roy se rencontrent, ça doit être aussi gros. Quand les Sea Dogs vont s'affronter, ça va être pareil aussi. Ça devrait être un gros match, mais non, du côté du RDS, on l'a pas nécessairement traité comme ça. Je pense qu'on y a été bien sûr avec le fait français, là, Philippe, là, d'aller chercher deux superstars, deux gros noms comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça tellement le fun de voir que RDS a déplacé la grosse machine et non pas juste acheter un match de Sportsnet. Stéphane Leroux sur le cas des deux équipes. Et bon, Leroux, je pense que côté connaissance junior majeur, il est un des très bons. Et bon, ça s'est bien fait et j'aimerais donc voir RDS présenter plus de matchs de hockey junior majeur. Je pense que dans le mandat du réseau des sports de promouvoir cette ligue-là, je veux dire, on se mentira pas là, RDS, c'est pas Sportsnet. Sportsnet, c'est à la grandeur du Canada. C'est pas TSN non plus, c'est à la grandeur du Canada. Là, c'est un poste qui est à la grandeur du Québec. Bon, vous me direz, oui, mais tu peux le prendre aussi jusqu'à Vancouver. Bon, c'est correct, là, on s'entend que j'ai pas vu grand reportage à Vancouver depuis les Olympiques. Tu sais, on peut être assez sérieux là-dessus, là. Mais quand même, on décide là du côté d'RDS de promouvoir ça et on se doit de le faire parce que c'est une ligue qui est locale, c'est ton produit qui est local et ça tombe bien parce que t'es une chaîne locale. J'aimerais beaucoup voir le match de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec une fois par semaine ou une fois par deux semaines mm-hmm. où t'en profites pour faire ton hockey, parce que là on a intégré avec ça Hockey le magazine junior que je trouve absolument trippant comme magazine parce que ça m'apprend des choses contrairement à Hockey le magazine Ligue nationale que je suis déjà tout au courant de ça parce que j'ai été sur TSN, j'ai été sur NHL, j'ai été sur mes forums de hockey, je connais déjà tout ce qu'ils vont dire. Là, j'apprends des choses. Stéphane Leroux, on dira ce qu'on veut, mais justement, il amène l'information. Très bon analyste aussi. Très bon analyste. Et de voir qu'on a amené ça, j'aimerais beaucoup voir ça continuer, en voir plus souvent et non pas juste quand c'est les Remparts et les Saguenayens, parce que c'est les Remparts et les Saguenayens. C'est là où moi, j'accroche un peu. Je suis tout à fait d'accord avec toi en ce qui concerne le fait que ça prend plus de juniors majeurs à RDS pour exactement les mêmes raisons que toi. Le problème, c'est que RDS l'amène toujours quand c'est en lien avec la LNH. Là, tu sais, justement, deux anciens du Canadien, puis là, on fait un build-up incroyable. Et c'était bien fait, là. C'était très bien fait. Je veux rien enlever à ce que RDS a fait à ce niveau-là. Mais sinon, on va en parler quand les centrales de recrutement vont sortir leur liste. Mm. On va en parler quand il y a un geste disgracieux. Ou on va en parler quand les Remparts font quelque chose. On approche de la Coupe Memorial. Ouais, c'est ça. Ou le Junior de Montréal, là. Mais au-delà de ces deux équipes-là, on parle pas du tout de la Ligue de hockey junior majeur. Et c'est un peu décevant parce que, justement, on a plusieurs analystes à RDS qui sont constamment en lien. Je pense à Joël Bouchard, entre autres, qui est impliqué avec le junior. Guy Carbonneau, qui est fréquemment à RDS. Marc Denis, donc, bon. Tu sais, et Stéphane Leroux, qui est là depuis une quinzaine d'années. Donc, il y aurait moyen de faire de quoi de... Bientôt 20 ans, Leroux, je pense que c'est 92, tu vois, Stéphane Leroux. Il y aurait moyen de faire quelque chose de récurrent. Mais moi, une plage horaire précise. Précise, un peu au comme lieu, à au lieu Vox. On pourrait mettre à la limite des rediffusions ou des analyses. Ça, c'est le problème du fait que réaliser une émission de quilles, c'est pas mal moins coûteux de réaliser une émission de hockey. Ouais, mais ça rapporte pas mal moins aussi. Ouais, ben, ça dépend. Mais moi, je trouve qu'on devrait justement partir une roue, une machine de, c'est niaiseux à dire, mais de promotion du produit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en faisant un build-up vers le match de vendredi soir ou le match les mercredis LHJMQ, sauf qu'il y a les Canadiens, tu sais. Puis d'avoir ça, puis de voir le monde qui suive la ligue, puis je pense que ça pourrait être très, très, très positif. Quitte à le faire par le réseau RIS, par la filiale. Ben, oui, si on veut, là, mais ça reste à la même limite, production. Oui, on pourrait se servir de RIS pour faire un peu un développement. On le voit avec le sport au Québec, l'émission de Mélanie Marois. Si on veut aller maximiser les profits, on est mieux de le faire RDS. Ah, ben oui, mais quitte à couper un show de bûcheron. Parce qu'à RIS, on a quoi? On a le bulletin InfoSport 20 fois dans la journée, à un moment donné. Ben non, c'est sûr, mais c'est pas. Je pense pas que c'est le but d'RIS non plus de présenter des productions prime time non plus. Donc, d'autres petites nouvelles en terminant, est-ce qu'on s'en va aux nouvelles dans pas très long, là? Nouvelle générale à une pause. L'attaquant Guillaume Asselin, bon, dans ce match-là, a été suspendu pour avoir formulé des propos racistes à l'endroit de Michael Tam des Remparts de Québec. Donc, on en parlait tantôt, là. Michael Tam encore au cœur d'une suspension, mais là, du côté de Guillaume Asselin, pas de tête, là, à un moment donné. Ouais, mais en même temps. Ah, ben, tu sais, on touche pas. En tout cas, c'est des choses qui se disent pas sur la glace. Les joueurs de la semaine, Ben Duffy, la première étoile du côté de l'île du Prince-Édouard, Philippe-Michael DeVos, la deuxième à Gatineau, et Maxime Gravel à Bécomo, la troisième étoile. On a aussi connu les étoiles les joueurs du mois, là, TELUS, Guillaume Asselin, ben, c'est lui qui remporte la première, suivi de Jean-Philippe Mathieu de Drummondville, et le sous-estimé Evan Mosher du côté de l'île du Prince-Édouard qui obtient la troisième étoile. On s'en va une pause au retour. On parle du Canadien de Montréal, on parle du fameux coup Pacioretty, Chara et Jonathan Bernier se joint à nous. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Deux matchs étaient disputés hier dans la LHGMQ. Tout d'abord à Rimouski, les Sea Dogs sont venus à bout de l'Océanique par la marque de 3-2 en tir de barrage. C'est Thomas Durco et Jonathan Huberdeau qui ont déjoué Morgan Clark en fusillade pour procurer une 54e victoire cette saison aux Sea Dogs. Du côté de Shawinigan, les Cataractes l'emportent 4-2 sur les Huskies de Rouyn-Noranda. Jason Kelly des Huskies a été chassé de la partie en fin de troisième pour abus envers un officiel à la suite d'une pénalité mineure pour Rudess. Toujours dans la LHGMQ, l'attaquant des Saguenayens de Chicoutimi, Guillaume Asselin, a été suspendu 2 parties pour avoir formulé des propos racistes à l'endroit de Michael Tams des Remparts de Québec. L'équipe a aussi écopé d'une amende de 500 $. Dans la Ligue nationale, maintenant, le Canadien devait se remettre la tête au hockey hier alors qu'il visitait les Blues à Saint-Louis. L'énergie visiblement absente du tricolore a permis aux Blues de l'emporter 4-1 sur les hommes de Jacques Martin. C'est une belle victoire pour Alak, lui qui disputait une première rencontre devant son ancienne équipe. Les Blues étaient aussi en action hier alors qu'ils recevaient les Sabres de Buffalo. La partie s'est soldée par un pointage de 4-3 en faveur des Sabres. Il y a donc toujours seulement 4 points qui séparent le tricolore des Blues pour l'obtention de la 3e place dans l'Est. Max Pacioretty a reçu son congé de l'hôpital hier en fin d'après-midi. Lui qui souffre d'une sévère commotion cérébrale et d'une fracture à la 4e vertèbre cervicale à la suite d'une mise en échec du capitaine des Bruins. Il n'y a eu aucune suspension sur le jeu. Du côté de Tampa Bay, maintenant, le défenseur du Lightning, Pavel Kubina, a été suspendu pour 3 rencontres pour le coup de coude asséné à la tête de Dave Bolland des Blackhawks de Chicago au cours du match de mercredi. Cette suspension privera aussi Kubina de 60 000 $ en salaire. En sport de glisse, maintenant, Éric Gay poursuit sur sa belle saison alors qu'il remonte sur le podium. Après être devenu le champion du monde de la descente le mois dernier en Allemagne, le Québécois en a remis à la Coupe du monde Vic Vielle aujourd'hui, terminant cette fois-ci en 2e position. Et finalement, sport universitaire, ne manquez pas les rencontres de vos Patriots soccer dimanche alors que les filles affronteront la à midi et à 16h, les gars affronteront Sherbrooke. Les deux rencontres sont disputées au centre Alphonse Desjardins. Voilà, c'était vos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Every day that goes by, it sure gets lonely in this world of mine. This state of nothingness keeps on eating me. Will gets lonely in this world of mine. La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Remise en jeu gagnée par Campbell. Ça va aller vers la pointe gauche. Course, Pacioretty. Et c'est Pacioretty. Oh! Pacioretty a été assommé par Chara. Il a été carrément assommé. La tête de Pacioretty a donné contre la baie vitrée. Il est écrasé au sol. Mais qu'est-ce que Chara vient de faire? Et on a entendu parler, on en a entendu parler pas à peu près, mais on vient d'écouter là, la description de Martin McGuire et Danny Dubé là, du côté de CKC, qui, je pense, en dit long là, sur le fameux geste qui est dans tous les médias présentement et qui, ça a pris un tremblement de terre du côté du Japon pour chasser cette nouvelle-là des canaux de nouvelles spécialisées ce matin. On va en discuter avec Monsieur Jonathan Bernier de Rue Frontenac. Comment ça va, Jonathan? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Je pense qu'on a été tous assommés, en fait. Oui. Il y en a un qui l'est plus que l'autre, là, que nous autres, là, mais pour le reste, je veux dire, c'est incroyable. Mais... ce qui me fait... On va commencer avec ça. On parlera des Blues, du match contre les Blues là, hier, qui était très ennuyant. Là, je pense que le Canadien, en tout cas, avait la tête ailleurs assez solidement. Merci. Parlons-en, écoutez, du côté de voir le geste de Chara en partant. Comment est-ce que, du côté de la Ligue nationale, on peut pas juger que le geste était à tout de moins, c'est ce qu'il voulait faire, là, je veux dire, on le voit pousser dans le dos, là, je comprends pas la réflexion de la Ligue nationale là-dessus. Mais sais-tu, est-ce que tu as vu les images du réseau des Bruins, là, NESN, qui passe aussi sur YouTube, évidemment? Là? Non, j'ai pas vu. On voit, je pense que c'est la seule station qui nous a donné cet angle-là. On voit l'angle... De l'autre côté? On est derrière le bas des Bruins, si on veut. Là, comme la hauteur normale là, quand on regarde le match à la télé, mais de l'autre côté de la patinoire. Okay. Puis de cet angle-là, on voit que Chara, il pousse Max Pacioretty le long de la rampe. Mais c'est, tu sais, contrairement à la photo qu'on voit qui revient souvent là où on dit comment pouvez-vous dire que c'était pas intentionnel quand on voit son poing dans la face là. De cet angle-là, on voit vraiment que c'est avant-bras contre avant-bras, puis il a voulu probablement le propulser sur la rampe, mais en tout cas moi je peux pas concevoir que tu peux penser à pousser un adversaire là, sur le fameux poteau là. Donc, je ne sais pas si c'est cet angle-là qu'ils ont vu, qu'ils ont étudié, mais j'imagine qu'ils ont étudié plusieurs angles. Là, la Ligue nationale, ils doivent en avoir plusieurs. Là. Mais de cet angle-là, on dirait que ça... Ça l'excuse un peu, quoi? Oui, c'est moins pire que celui de l'angle provenant de la patinoire. Ce qui m'atterre complètement dans cette histoire, c'est que tu peux pas faire abstraction du fait qu'il savait qu'il était là. Non, c'est ça. Je sais que la mise en échec peut être légale, qu'on ne parle que d'une obstruction, peu importe on est où, ailleurs sur la patinoire, mais on n'était pas ailleurs sur la patinoire. Non, les gars sont sur des patinoires depuis qu'ils ont 5, 6, 7, 8 ans. Ils connaissent les patinoires par cœur. Ils savent où ils sont. C'est sûr qu'ils savent qu'entre les deux bancs, il y a ce problème-là, il y a ce risque-là. Puis, on peut pas faire abstraction. Il y a tellement de choses desquelles on ne peut pas faire abstraction qu'on ne peut pas laisser simplement le geste pour le geste, selon moi. Moi, j'aurais donné, c'est la raison pour laquelle j'aurais donné une suspension, mais moi, j'aurais été pour 3 matchs maximum, pas plus que ça. Ouais. Pour moi, c'est la même. C'est une mise en échec dangereuse au même titre que la mise en échec qu'on donne par en arrière, si on veut, là, à 3 ou 4 pieds de la bande. Un peu comme Chara a fait hier, là. Exactement. C'est qui est le pire, là, mais... Ouais, vas-y, Jonathan. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, c'est il y a des lieux sur la patinoire où tu sais que c'est dangereux, comme celui-là particulièrement. Comme quand tu es à 3 pieds de la bande, tu sais très bien que c'est dangereux que le gars puisse casser le cou en rentrant dans la rampe. Et puis, c'est là que où moi, je colle pas avec l'explication de Mike Murphy qui dit que qui met la faute sur le poteau, finalement. Là. C'est la même chose que tu peux pas dire « Ah oui, mais la mise en échec par derrière, 3 pieds de la bande, si ça avait été donné ailleurs, il aurait pas été blessé. » Il donne la suspension à ce moment-là parce qu'il sait très bien que la bande est pas loin et que c'est dangereux justement que le joueur se blesse sévèrement en entrant en collision avec la bande. Donc, pour ce qui est du geste de Chara contre Pacioretty, je pense que c'était la même logique qui devait s'appliquer. Mais pas plus que 3 matchs, parce que je trouve pas que c'est un geste, tu sais, indécent à aller jusqu'à le bannir à vie, puis à le traduire en justice, là, comme il y a, tu sais, l'émotivité, je pense qu'a pris beaucoup le dessus, là, dans les heures suivantes, l'événement, là, puis je pense qu'il y en a qui ont perdu un peu la carte là-dedans, là, puis, je sais, pour écrire, pour suivre la vie du Canadien, puis pour recevoir des commentaires, pour dénier, tu sais, pour des détails là, à mes textes sur Fournac, là, que les fans du Canadien sont très émotifs, que ce soit positivement ou négativement, le moindre petit accro, le moindre petit événement peut engendrer des commentaires là, puis une échelle de commentaires là, assez large, hein? Rentable, là, ouais. Ce qui est une autre incompréhension de cette histoire-là, c'est qu'on va on note encore l'inconstance dans les décisions de la Ligue nationale. On a vu Trevor Gillies deux, trois jours, je pense, avant le match contre les Bruins, frapper un joueur de façon tout à fait correct, ben, de épaule à épaule. C'était une charge, par contre. T'sais, il y avait... Ouais, bon, on à avait, la limite, c'était une charge, ouais, c'est cinq minutes. Là. C'est ça. Et le joueur qui se fait frapper par Trevor Gillies vient de faire un double échec dans le dos à comme on le dit, là, à trois pieds de la bande sur le joueur des Islanders. Gillies venge, entre guillemets, son joueur avec une charge, effectivement, mais une charge propre, si on peut utiliser le qualificatif, épaule à collé sur la rampe, on lui donne 10 matchs. Parce que c'est Trevor Gillies, parce que c'est un récidiviste, parce qu'il revenait au jeu la journée même. Exact. Et là où je comprends pas, c'est pourquoi on donne 10 matchs à ça, puis qu'on suspend pas Chara. Et à plus forte raison, le joueur qui vient d'être suspendu également hier ou avant-hier, tu en as parlé dans tes nouvelles tout à l'heure, Marc-Antoine, pour le coup de coude derrière la tête. Pavel Kubina. Trois matchs pour Pavel Kubina, alors que, oui, il y a l'intention, oui, il y a le geste, oui, la suspension, elle doit être là, mais c'est bien moins grave que ce qui est arrivé dans le cas de Pacioretty et de Chara. Parce que le geste n'est peut-être pas volontaire. Je peux pas croire qu'un joueur veut embarquer sur la patinoire pour blesser un autre joueur. Mais si on ne donne pas de suspension à ce geste-là, ça veut dire qu'on l'approuve, ou bien on dit, à l'avenir, rentrez dans la bande, rentrez la tête première. Arrangez-vous avec entre vous autres, nous on fera rien. Et c'est exactement, et c'est dans ce sens-là où Henrik Sedin a déclaré également, je crois pas Chara quand il dit il y a pas vu. On est tous là, on sait tous cet endroit là. Et Chara Sedin, lorsqu'il parle de la portion de la non suspension, disant que Chara n'est pas un récidiviste, et je trouve les propos de Sedin très pertinents. Il va l'être quand, le récidiviste, parce qu'en fait ce que ça veut dire, c'est qu'il peut le faire encore. Ouais, c'est ça, là, parce que là il peut recommencer, puis le prochain coup sera pas ça, il sera toujours, c'est ça. Mais pour revenir au geste et à l'intention, est-ce que c'était délibéré ou non, comme j'ai dit tantôt, c'est impossible qu'il voulait lui mettre la tête dans le poteau. Cependant, c'est sûr qu'il il savait très bien que c'était Pacioretty, puis il voulait sûrement lui donner un petit extra de plus. Puis à cet endroit-là, quand vous avez joué au hockey aussi, là, il n'y a pas de bévitrée, là, quand tu te fais plaquer ou quand tu te fais écraser contre la rampe, là, ça fait mal parce que la bande arrive entre la hauteur des culottes puis la hauteur des épaulettes. Directement sur les flottants. Quand tu te fais écraser là, tu t'en souviens. Tu n'es pas blessé pour rater des matchs, mais tu as un bon bleu puis ça fait mal. C'est comme quand tu as des enfants puis que tu leur donnes une tape sur les doigts, là, tu ne veux pas les couper à la main, tu veux juste qu'ils s'en souviennent le prochain coup. C'est le même principe. C'est juste que là, bon, ça a mal fini parce que le poteau arrivait en même temps. Mais là, on pénalise pas en fonction du fait qu'il n'y avait pas d'intention. Mais c'est le seul endroit dans l'histoire de l'humanité où on pénalise pas parce que la personne n'a pas fait exprès. Je veux dire, je prends ma voiture, je frappe quelqu'un, je le tue, j'ai forcément pas fait exprès. Ouais, je vais aller en dedans pareil. Ou même si on reste sur la patinoire, le gardien qui veut dégager, qui envoie la rondelle en dehors de la patinoire, retarder le jeu, c'est pas volontaire, mais il y a quand même 2 minutes, puis il y a quand même tu sais, si on reste dans le hockey, parce que c'est sûr que si on se voit au cas de la route, c'est pas la même chose. Mais si Pacioretty meurt, et c'est un énorme si, là, mais on l'a tous ceux qui l'ont vu en direct ont tous cru qu'il était mort, ont tous eu la crainte que... Qu'est-ce qu'on fait du côté de la Ligue? Ah, mais ça fait partie du jeu, on est désolé. La blessure est horrible, la mort est horrible, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est ça. Comme Gary Bettman a dit hier, c'est un sport de contact. Exactement, c'est un non-sens. Ça n'a pas d'allure. Je veux dire, il n'y a pas de logique dans le discours de la Ligue, et on le verra à plusieurs égards, là, probablement tantôt on va parler de ce que Air Canada a fait et également ce que Jeff Molson a déclaré. Il n'y a pas de logique dans le discours de la Ligue, et à plus forte raison, il n'y a même pas de logique au sein du comité de discipline. C'est le vice-président aux organisations qui prend la décision de ne pas suspendre. Qu'est-ce qu'un vice-président aux organisations dans une entreprise qui gère des milliards de dollars vient faire dans la sécurité de ses employés? C'est pour enlever le lien de Colin Campbell. Ça, je comprends. Ouais. Mais Colin Campbell n'est pas le seul représentant du comité de discipline de la Ligue nationale. Là. Il doit avoir des seconds derrière lui. Il doit avoir une équipe, un comité derrière lui. Oui, mais probablement que c'est ça. Probablement que ses seconds sont pigés dans le reste de l'organigramme, et Mike Murphy doit en faire partie, là, même si c'est pas son titre officiel de vice-président du comité de discipline. Oui, non, il va probablement être impliqué là-dedans. Et puis, de toute façon, c'est ça, le problème, il est là, c'est que le comité de discipline, c'est une personne. C'est pas un comité de discipline, c'est une personne qui prend la décision, qui a toute la pression sur lui, puis que Il y a, comme dans n'importe quel domaine, probablement des jeux de coulisses. Là. Le comité de discipline n'est pas du tout indépendant de la Ligue et de l'association des joueurs. Je veux absolument vous lire ce que Joe Thornton a dit hier dans le Globe and Mail. C'est assez solide, surtout pour un gars qui a joué à Boston. Je vous le dis en anglais, je vous traduis. It's just something with Boston, Thornton said. It just seems like they have a horseshoe. Donc, c'est quelque chose qui arrive avec Boston. On dirait qu'ils ont un trèfle à quatre feuilles ou un fer à cheval. Il y a une chose chanceuse. Ouais, c'est ça. On est chanceux. On a vu Lucic faire un cross-check à la tête de Dominic Moore plus tôt cette année. Il n'y avait pas eu de mesures disciplinaires. Il continue en disant, on dirait que c'est quelque chose avec Boston et le processus disciplinaire de la Ligue qui est de leur côté. Je sais pas pourquoi exactement c'est comme ça. J'assume pas que le fils de Colin est sur l'équipe, Colin Campbell, bien sûr, est sur l'équipe et c'est pour ça, mais c'est vraiment bizarre. Hey, c'est assez difficile d'être plus pincant que ça. C'est une charge en règle. Oui, mais c'est difficile d'être plus pincant sans écoper d'amende. L'autre chose aussi, c'est que en plus du fait que le fils de Colin Campbell joue pour les Bruins, c'est que Jeremy Jacobs, je pense que c'est ça son nom, il me semble, le propriétaire, le gouverneur des Bruins, c'est le président du bureau des gouverneurs de la Ligue nationale. Donc, ça ajoute un peu à l'aspect louche de l'affaire, si on veut. Là. Comment est-ce qu'on veut, du côté de la Ligue nationale, que notre Ligue soit pas considérée comme une ligue de clowns? Comment avoir l'air crédible quand on a une organisation qui est aussi tissée serrée, digne de Hockey Québec et des manigances des parents? C'est comme ça, mais à plus grande échelle, là, du côté de la Ligue nationale. C'est que là, on joue avec des milliards au lieu de jouer avec une coupe de centaines de piastres. C'est ça. C'est le problème de la société en général, c'est le même partout, c'est comme comme je disais tantôt, il y a des jeux de coulisses dans n'importe quelle sphère de la société, dans n'importe quelle organisation, il y a toujours des gens qui, par en arrière, tu sais, sous la couverte, qui tirent même la couverte de leur côté pour leur intérêt personnel ou peu importe, là, au détriment de la collectivité ou de la santé dans ce cas-ci de la santé des joueurs ou de la santé du sport. Puis il va falloir faire quelque chose de ce côté-là. Moi, c'est sûr que je vois un comité de discipline indépendant, mais encore là, la nature humaine étant ce qu'elle est, ça va être moins pire, c'est sûr, mais je suis persuadé qu'il peut encore avoir du grenouillage avec ce comité-là. Ouais. Là. Et vraiment, c'est fascinant de voir à quel point, du côté national, on se fout de notre produit. On prend constamment le côté de l'agresseur dans la Ligue nationale. On se fout exactement, mais... comme tu dis, de l'image que notre produit renvoie. C'est toujours à celui qui a agressé qu'on protège. Il y a tant un méga bénéfice. C'est l'agresseur qu'on protège. Je vous ramène encore mon argument de la société. Quand vous êtes quand vous allez à un procès, là, c'est quoi la règle? Comment on dit ça? Donc, innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est à la défense. En fait, c'est à ceux qui poursuivent de prouver la culpabilité de l'accusé. Puis s'il y a le moindre doute que l'accusé n'est pas coupable, il est acquitté à ce moment-là. C'est le même principe. Là. Est-ce que c'est normal, Jonathan, que du côté de la Ligue nationale, on n'ait même pas cru bon d'entendre la version de Max Pacioretty sur... Deno Chara. Elle dit gros, la version de Pacioretty. Oui, c'est ça. Mais en même temps, comme je faisais remarquer à mes collègues hier, en tout cas dans les heures qui ont suivi, laissait cette déclaration-là, est-ce qu'il s'en souvient, Pacioretty, ou bien non, il a juste vu les images comme nous autres? Ouais, comme ben, tout le monde. Il disait que Chara avait mis son bras comme ça, il pouvait plus revenir parce qu'il savait le Pacioretty qui était à cette place-là sur ouais. la glace. Mais comme tu dis, est-ce qu'il s'en souvient vraiment ou il a vraiment vu il a juste vu les images? Ben, c'est ça. S'il a vu les images comme tout le monde, probablement qu'il était outré effectivement. Mais c'est ça. Est-ce qu'il se souvient du moment exact, de la façon dont ça s'est produit, de la rapidité à laquelle c'est arrivé, de lui, comment il s'est placé? Est-ce qu'il se souvient d'avoir vu le poteau arriver? Puis est-ce qu'il se souvient de justement avoir essayé de se tasser sans en être capable à cause du bras de Chara, ou il l'a vu par après en regardant les images, puis c'était une hypothèse qui a avancé? Mais c'est sûr qu'il a essayé de se tasser, là, c'est sûr qu'il voyait arriver le poteau. Oui, non, mais moi je sais, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il se souvient justement d'avoir essayé de se tasser? Ouais, puis de ne pas être capable à cause du bras, ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est. Ben, est-ce que sa version était si importante que ça dans le processus? Mais à cause de ça, justement, je ne sais pas. Moi, je pense que la seule raison pour laquelle ils ont demandé le point de vue à Chara, c'était pour justement qu'il défende son geste, si on veut, là. J'ai de la misère à me situer dans cette idée-là, est-ce que c'était important ou pas que Max Pacioretty témoigne, là. Je sais pas, honnêtement, je me suis pas fait d'idée encore. J'essaye encore de peser le pour et le contre, mais j'y arrive pas. Mais Jonathan, d'un autre côté là, avec tout ce qui est tout ce que ça a créé comme attention médiatique là, présentement, je veux dire, on est à la limite d'en parler à deux filles le matin là, du côté de TVA. Probablement qu'il va inviter une mère d'un jeune hockeyeur pour lui demander est-ce que ça lui a fait perdre, est-ce que c'est lui fait craindre. C'est déjà commencé, il y a déjà des lettres d'opinion sur. J'ai été voir Cyberpresse ce matin, qui s'intitule « Mon fils ne jouera jamais au hockey ». Bon, ouais. ça dure 10 minutes, puis après ça passe. Je suis d'accord, là, mais honnêtement, là, pouvez-vous vraiment ne pas être d'accord avec ça? Oui. Moi, je m'excuse, oui. mais... Oui, parce que je pense pas qu'il faut prendre un événement et généraliser ça au sport au complet. Je comprends, mais ça donne quand même pas le goût. Il me semble que... c'est parce que c'est pas un événement. C'est constamment plusieurs. L'image qu'on renvoie aux jeunes et aux ligues mineures de... on fait rien. Et là... Il va falloir une poursuite est lancée qui va probablement rien donner. Une enquête qui est lancée qui va probablement rien donner. Mais bon, il y a au moins ça. Les paliers de gouvernement vont tenter de faire un projet de loi. Je veux dire, il va éventuellement se passer quelque chose qui va freiner la Ligue nationale et ce sera même pas elle-même qui va l'avoir fait. Au niveau de l'image qu'on renvoie, c'est épouvantable. C'est qu'on court énormément après le trouble du côté de la Ligue nationale parce que moi, je suis absolument à compte que le fait que la justice, la police intervienne dans une ligue de hockey ou dans une ligue de sport, peu importe, parce que je me dis ces ligues-là sont capables de faire eux-mêmes leurs propres règles, leur propre police et de pénaliser les gens qui ont fauté. Mais là, du côté de la Ligue nationale, on pénalise absolument pas. Je veux dire, comme tu disais, Jonathan, à la limite, donne une sentence bonbon, mais donne quelque chose. Parce que là, du côté du Canadien, il n'y a pas eu de sentence, il n'y a pas eu rien. Donc, on va être très frustrés. Prochain affrontement, là, du côté de Chara, on est très grand, on est très fort, on est un monstre. Donc, peu de chances qu'un joueur puisse aller jeter les gants contre lui. Par contre, il n'y a rien qui prouve qu'un autre joueur du Canadien n'ira pas aligner un joueur des Bruins de Boston pour l'envoyer au Pays des Étoiles. C'est pas certain que Patrice Bergeron et Marc Savard vont être très confiants pour ce match-là. Ouais, ben, Savard justement, joue plus, là, présentement. Ouais, ouais. Là. Mais être un joueur des Bruins, être un. Je jouerais ses talons, puis pas à peu près le prochain match. C'est malheureux. Ben, moi, si c'était arrivé contre n'importe quelle autre équipe, je serais d'accord avec vous, mais pas contre le Canadien. Ouais. Moi, je serais pas nerveux de jouer contre le Canadien. Ouais. Pas à cause du physique des joueurs, mais. Parce qu'on est trop gentlemen dans l'organisation. Exact, à cause de la mentalité de l'organisation et de la mentalité qui est la même. Puis c'est correct comme ça? Le gars derrière le banc. Ouais, le gars derrière le banc, le Jacques Martin, le match à Boston, après le match à Boston, il dit c'est des gestes dont on va se souvenir. Puis on arrive à Montréal. La seule chose qui arrive avant cet événement-là, c'est une bagarre. De Ryan White contre Johnny Boychuk parce qu'il avait essayé d'arracher le genou à Piqué Souben, ce qui était très légitime là, comme défense, si on veut. Je veux dire, mis à part ça, là, dans les heures précédant le match, là, c'était écoute, il y a deux points à gagner au classement, faut qu'on joigne les Bruins, on va les faire payer en jouant au hockey et en rapportant la victoire. C'est la bonne mentalité, moi je trouve. Oui. Oui, mais oui, tout à fait. Mais ce que je veux, c'est ça, c'est parce que j'amène, je réponds au point de est-ce que les joueurs des Bruins vont être shakés? Je pense pas. Il y a une autre chose qui me titillait dans la décision, en fait, justement, c'est qu'on mettait de côté toute le build-up du match, en fait, là, tout ce qui a amené à ce match-là, tout ce qui a amené à cet incident-là, les deux matchs précédents. Ouais. Et puis, du côté de la Ligue, on disait que non, on ne prévoyait pas ça, on n'avait pas tenu ça en compte. On a tout déjà joué au hockey, là, on a tout une rivalité avec le numéro 17 de l'autre bord. Là, puis, effectivement, mais... On prend le prochain match. Et la Ligue nationale a mis un de ses arbitres les plus performants, les plus crédibles pour ce match-là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement. Il y en a, et après ça, on dit « Ah non, on n'était pas... on mettait pas ça de l'avant, il n'y a pas d'historique, il faut pas prendre... » Je dis là, il y a un autre inconstance. Son dossier est vierge. C'est ça. Puis ce que j'ajoute de plus à ça, c'est qu'en plus d'avoir mis Bill McCreary, l'arbitre d'expérience, et Eric Frohlad, qui est, selon la Ligue nationale, l'une des vedettes, les prochaines vedettes dans les arbitres, là. Bon, les deux arbitres, je ne sais pas lesquels, il a rendu la décision de donner la punition majeure et l'expulsion du match. Il a fait sa job. Puis après ça, on va en même temps, en ne suspendant pas Chara pour, moi, comme je vous dis, maximum 3 matchs, en ne suspendant pas, on vient un peu défaire ou en fait se mettre à l'encontre de la décision de l'arbitre. Donc, tu mets tes arbitres, tes deux, en tout cas deux de tes meilleurs arbitres en qui tu as confiance, puis dans la journée suivante, tu viens défaire le geste qu'ils ont posé. Donc, c'est un peu, encore une fois, un tour étrange. Un manque de sens, un manque de logique là, de la part de la Ligue nationale. Puis, il va falloir qu'il y ait de quoi qui se passe quand même. Là. On est en train de revenir en arrière. On avait fait des pas vers l'avant en permettant à des joueurs plus rapides, plus petits, de se démarquer avec les nouveaux règlements, sans les accrochages et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on dit au DG, dans le fond, des équipes? C'est grillez-vous de gros joueurs, parce que le hockey, ça redevient un gros sport de contact. Puis la manière de gagner, ça va être de se démarquer physiquement et de faire perdre la tête aux autres équipes. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va... En fait, ce que la Ligue nationale va devoir faire, c'est d'indiquer, d'avoir un règlement clair. Je sais pas comment ils vont pouvoir le libeller, là, mais... T'sais, c'est pour la même chose que les coups à la tête. Tantôt, tu me parlais du coup de Pavel Kubina qui était pas mal moins grave que le coup de Chara sur Pacioretty. Sauf que là, c'est une partie du corps qui visait la tête. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle il a obtenu 3 matchs, c'est que maintenant, depuis cette année, à cause de leur lutte au coup à la tête, directement à la tête, là, je parle, là, c'est maintenant clair que du moment que tu touches la tête de l'adversaire, que ce soit dans l'angle mort ou en tout cas, peu importe, là, c'est une suspension. C'est parce que c'était pour la Ligue nationale, là, pour que la Ligue nationale prenne des décisions. La Ligue nationale, en fait, n'est pas capable de prendre des décisions sur l'interprétation d'un règlement. Il faut vraiment que le règlement soit clair. Puis ça a été comme ça pour les coups à la tête, jusqu'à temps qu'il y ait un règlement clair qui stipule que si tu es dans l'angle mort ou si tu vises directement la tête, que ce soit avec l'épaule, le coude ou peu importe, c'est une suspension. C'est juste depuis ce moment-là que c'est vraiment coulé dans le béton puis que c'est des automatismes. Avant ça, il y avait de l'interprétation tout le temps, puis ça donnait lieu à des coups qui n'étaient pas punis ou à des coups qui avaient des suspensions d'un match ou des. T'sais. C'est ça qu'il va falloir qu'il y ait. Il va falloir qu'il y ait un règlement écrit noir sur blanc que cette zone-là, la zone qui, en s'approchant du banc où il y a le poteau de délimitation, c'est une zone dangereuse, puis que si tu plaques ton adversaire sur cette portion-là de la glace ou de la bivitrée, c'est une suspension automatique, que ce soit intentionnel ou pas, au même titre que le coup de bâton dans le visage, que même si t'es dans ton élan... Ouais, mais là, on dirait qu'on est dans la programmation d'un jeu vidéo, que ça prend vraiment de quoi de précis, puis que c'est un ordinateur qui prend décision. Donc, si t'es à un mètre de la bivitrée, c'est des êtres humains qui prennent ces décisions-là. C'est ça, mais ils sont pas capables de les prendre. Ah oui, mais c'est là le problème. Là. Ben exactement, c'est pour ça que je t'ai dit que ça prend des règles. Oui, je trouve ça ridicule, mais... Oui, c'est rendu ridicule, ça prend... Ça prend un règlement écrit pour... parce que c'est ça, je pense qu'ils veulent tous, justement, s'en laver les mains des décisions difficiles comme ça, puis... C'est triste. Quand c'est écrit, puis tu peux pas passer à côté, tu peux pas l'interpréter. Fait. Alors que dans la Ligue nationale de football, dans la NFL, tout est précis, peu importe ce qui arrive, peu importe le joueur, un coup à la tête, c'est un coup à la tête, qu'il soit intentionnel ou pas, c'est une suspension, une amende assez grosse, merci, assez salée. Dans la Ligue nationale, c'est du tout, c'est d'un extrême à l'autre. Même, j'écoutais hier Benoît Brunet parler sur les ondes de CKC. Il parlait d'un vidéo, on monte une vidéo avant tous les débuts de saison pour dire, bon, ce que vous avez le droit de faire, ta. Puis là, c'est la Ligue nationale qui monte cette vidéo-là. Gary Bettman était là, il y avait aussi Colin Campbell. Et si je me trompe pas, si j'ai bien compris. Montre un geste, puis là, il y a Gino Adjic qui est là, il lève la main, il dit, je veux juste savoir si, en nommant un joueur de l'équipe, mettons, si Vincent Danfous fait ce geste-là, puis si moi je fais le geste, est-ce que moi je vais être suspendu puis pas lui? Puis il avait, de la façon qu'il avait dit, ça avait mis le feu aux poudres du côté des nationales, on s'était chicané, mais Gino Adjic pourrait-tu avoir plus raison que ça? Non. Parce que lui, c'est son salaire qui est en jeu. Moi, si je fais ça, je suis suspendu puis l'autre, il l'est pas, pourquoi? Parce que du côté de l'international, c'est encore deux poids, deux mesures. Et Gino Adjic, là, pas longtemps, là. Oh, oui. Ça date. Ben, c'est ça. Puis, les décisions des arbitres, puis des suspensions, puis tout, c'est des décisions d'être humain. Il faut que les gens soient capables de mettre leurs culottes. Mais plus ça va, plus on se rend compte que, là, tu donnes l'exemple du football. Tu peux pas laisser une décision entre les mains, dans l'interprétation de quelqu'un. Il faut vraiment que ça soit écrit. Puis j'imagine que le football, je suis moins ça que le hockey, mais j'imagine que à l'époque où il n'y avait pas le règlement du coup à la tête de protéger le corps arrière, il devait y avoir encore une fois des absurdités comme ça qui arrivaient, des injustices, des coups qui auraient dû être suspendus. Oui, mais on n'a pas attendu 15 ans du côté de la NFL pour faire quelque chose. Non, c'est ça la différence. Puis du côté de la LNH, on a l'impression que la décision viendra jamais de nulle part, qu'il n'y a rien qui va faire bouger les choses. On en parlait tout à l'heure, et évidemment, ça viendra pas de l'interne. On parlait de poursuites, puis on parlait des paliers de gouvernement. Évidemment, c'est pas eux qui vont venir changer de quoi dans la Ligue. Du côté des commanditaires, Air Canada s'est fait dire « Vais de bord, on s'en fout de ton argent, on en prendra ailleurs ». Le propriétaire du Canadien, Jeff Molson, s'est fait virer de bord. Si tu revires de bord, c'est comme si la Ligue majeure de baseball disait aux Yankees « T'as pas le droit de parole, tu vaux rien ». C'est exactement ce qu'on a fait du côté du Canadien, qui est la plus grosse locomotive de la Ligue nationale. Et même Donald Fair, le président de l'Association des joueurs, déclare que on va faire le tour des arénas pour voir si les baies vitrées, le coussin sur la baie vitrée est assez gros. Mais quel imbécile! Tu protèges-tu les joueurs ou tu protèges la Ligue? Puis on est allé le chercher en se disant, ce gars-là a rendu les joueurs de baseball riches, millionnaires, et a travaillé pour eux comme c'est pas possible, donc il va travailler pour nous. Et sa première déclaration sur le premier sujet chaud, c'est, on va faire le tour des arénas. Qu'est-ce que tu fais là? T'es où dans ta mentalité? Il est où le problème? C'est juste ça, c'est que j'ai l'impression que la solution au problème arrivera jamais. Non, puis c'est ça pour, tu as souligné le Air Canada qui s'est fait débouter par Gary Bettman. Puis le problème, c'est que Air Canada était la seule compagnie à se manifester contre, tu sais, à menacer de retirer ses commandites. Il y en a d'autres compagnies qui, tu sais, comme Tim Hortons, puis je ne sais plus quel autre, Canadian Tire, qui ont dit, tu sais, faudrait peut-être juste faire attention. Mais ils n'ont pas menacé de retirer. Là, Air Canada a été isolé dans cette histoire-là parce qu'ils ont été le seul à faire ça. Et ce qui n'aide pas Air Canada dans la lecture de tout ça, c'est que le siège social d'Air Canada, il est à Montréal. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'ils se disent, eux autres? Ils disent, on sait bien, ça vient de Montréal. Fait que, tu sais, si ça avait été Toronto, je donne un exemple, ou, tu sais, New York, peut-être, tu sais, un marché important, mais pas impliqué dans la situation présente. Là, ça aurait peut-être eu plus de poids. Mais là, c'est un commanditaire qui, oui, qui est important, mais qui commandite, dans le fond, c'est surtout les vols des équipes canadiennes. Puis qu'en plus, le siège social est à Montréal. Fait que là, c'est comme si tout s'expliquait. Alors, on sait bien, ça vient de Montréal. Mais j'ajouterais, par contre, l'argent qu'il donne à la Ligue nationale est en américain, quand même. Hey, Jonathan, en terminant rapidement, défaite hier du Canadien, 4-1 là, du côté de Saint-Louis, une équipe amorphe et pas vraiment là qui est sortie sur la glace. Commentaire rapidement sur cette partie-là? Ben, en fait, c'est ça. Là, ils ont été dans le coup jusqu'à. Ils ont pris les devants 1-0, donc là, ça allait bien. Puis ça, quand t'es vidé émotionnellement et et mentalement, ça prend pas un gros revirement pour te chavirer justement, puis ça c'est le but égalisateur en fin de première période. Ça leur a brisé les reins. Puis en plus, là, pour partir de la deuxième période, d'un autre but, donc là, c'était déjà terminé. Puis les gars ont beau. Tu sais, une fois que t'embarques sur la glace, c'est des choses que probablement que il pensait à Max Pacioretty une fois sur la glace, une fois le match commencé, consciemment. Mais inconsciemment, je pense que ça reste toujours en arrière. Puis au cours des 48 heures précédentes, il y a tellement eu d'histoires de raconter là-dessus, il y a tellement eu de rebondissements et se sont fait parler de ce sujet-là seulement, pratiquement pas du match qui allait disputer. Ouais. Donc c'est sûr que la tête était pas au match. Le build-up n'a pas été fait en fonction du match. La préparation de Jacques Martin devait être différente de ce qui est fait habituellement. Ça n'avait pas été concentré sur les blues, mais sûrement sur les gars, OK, Max est correct. Là. Coup, là, ouais. T'sais, Max est correct, il va s'en sortir. On ne sait pas s'il va revenir cette année, mais au moins il va retrouver la santé. Ça va être correct, là. T'sais, au lieu de dire, bon, là, ce soir, c'est les Blues, patati patata, là, faut pas échapper ce match-là parce que c'est une équipe qui ne participera pas aux séries dans l'Ouest, sont en difficulté. Mettre en avant le plan de match, je pense que la préparation a été déficiente. Mais cette déficience-là s'explique, puis c'est très pardonnable dans les circonstances. Il y a pas, on n'a pas à en vouloir. On n'a pas à juger cette contre-performance-là parce que ce sont des êtres humains. Puis, comme je dis, même si c'était pas conscient, là, ça a resté dans leur tête quand même. Puis ça devait avoir joué sur leur morale. On devra revenir vite parce que c'est les Pingouins de Pittsburgh qui arrivent en fin de semaine, là, samedi. Donc, le match est à 14h sur les ondes de RDS, bien sûr. Et. Bon, pas grand-chose à dire sur ce match-là, pas de Crosby, non, mais pas de Malkin. C'est ça, c'est un match qui est à la portée du Canadien. Je pense qu'on peut tourner la page définitivement samedi après-midi. En plus, justement, les matchs en après-midi, c'est fait pour changer d'air un peu. Donc, je pense qu'on peut se gâter là, du côté du Canadien pour retourner sur la bonne voie. Exact. Merci, on va terminer ça là, parce qu'on n'a pas juste dépassé, là, on a défoncé assez solide, merci. Merci beaucoup, Jonathan. Ben, y a pas de problème. Donc, passe une belle fin de semaine, puis on se reparle probablement vendredi prochain. Parfait. C'est bon, salut, Jonathan. Okay, salut. Bye. Donc, c'était Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. N'hésitez pas à aller lire les textes de Rue Frontenac. Ça va une pause au retour, la chronique foot soccer de Philippe Doucet. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. 89. Ah, c'est fou, là, vous avez. Les bêmes disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. On protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. C'était Galaxy avec la chanson Piste 1, donc c'est intéressant. On y va avec Philippe du côté... Excuse-moi, j'avais comme pas d'analyse sur la chanson. Je vois Philippe qui est en studio. C'est bon? Non, je trouve ça bon, là. Oui, c'est intéressant. C'est bien. Mais c'est pas la première fois qu'on l'entend. À non, c'est la deuxième fois. Ouais. La première fois, j'avais dit, ils sont forcés pour le titre, mais là, je vais pas arriver avec la même analyse profonde. Mais non, je trouve que ça change le beat un peu de toute la conversation qu'on a eue tantôt. Ouais. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé au football là cette semaine? Et j'imagine que tu vas aussi avoir des nouvelles de l'Impact en plus de la Ligue des Champions. Effectivement. Écoute, du côté de la Ligue des Champions, c'était les matchs retour des quatre premiers affrontements qui avait eu lieu il y a deux semaines. Donc, on commence ça avec Shakhtar Donetsk qui recevait l'AS Roma lors du premier match. En fait, le match aller, Shakhtar Donetsk l'avait emporté 3-2 contre l'AS Roma. Et chez eux, à domicile, Shakhtar l'emporte 3-0 contre la Roma. Début de Willian à la 18e et à la 58e minute. Et Eduardo vient mettre le clou dans le cercueil à la 87e minute. Donc, score cumulé 6-2 en faveur du Shakhtar Donetsk qui passe à la prochaine ronde. Donc, quand même une grosse déception pour l'AS Roma qui fondait quand même de bons espoirs sur cette édition aussi de l'équipe pour aller un peu plus loin dans la Ligue des Champions. On s'écroule contre Shakhtar. Il faut dire que Shakhtar a vraiment très très bien performé. Du côté de Londres, Tottenham recevait l'AC Milan et du côté de Tottenham, en fait, à Milan, on avait vaincu les champions défendants 1-0, le club de Silvio Berlusconi. Et le très respectable. Oui, le très respectable Silvio Berlusconi. C'est lui qui a pas de libido dans le tapis là. Non, c'est ça, celui surtout pas celui-là. Non. Donc j'aime bien le titre qu'on donne sur le site de la UEFA en fait, c'est Tottenham passe à l'italienne. C'est en fait à Londres, le match se termine 0-0, score cumulé 1-0 en faveur de Tottenham contre Milan. Vraiment, on a joué du jeu à l'italienne, c'est-à-dire très très serré en défensive et on a profité d'un but qui a coulé vraiment l'AC Milan lors du match aller à Milan. Donc grosse déception là du côté de Milan et Tottenham évidemment là qui surprend tout le monde et passe à la prochaine ronde. Ensuite du côté de Gelsenkirchen, c'est Schalke qui recevait Valencia. Je suis fier de mon accent. J'ai l'impression que tu vas me parler d'Eric Gay. Gelsenkirchen. À Gelsenkirchen, en fait, Schalke qui recevait Valencia. Match aller qui s'était terminé 1-1. Et cette fois, Schalke, à domicile, l'emporte 3-1 contre Valence. Début de Farfan à la 40e et dans les arrêts de jeu à la 94e minute. Donc, un but qui voulait plus vraiment rien dire. Le match était déjà hors de portée pour Valence. Et c'est Gwavranovic à la 52e qui avait marqué le deuxième but. Du côté de Valence, c'est Ricardo Costa qui avait pourtant ouvert la marque du côté des Valenciens. Mais le match se termine 3-1 en faveur de Schalke. Score cumulé 4-2. Donc Schalke qui avance au prochain tour. Et le match que tout le monde attendait, que tout le monde voulait voir, c'est l'affrontement entre Arsenal et Barcelone à Barcelone. On sait le premier match qui s'était terminé 2-1 en faveur d'Arsenal à domicile. Ouais. Là, on avait la riposte du côté de Barcelone. Et en fait, ça commence très mal du côté d'Arsenal. Messi se voit... octroyé? Non. En fait, son premier but se joue à la limite du hors-jeu, se voit recevoir une passe magnifique, fait une feinte sublime sur le gardien de but et à la 48e, en fait, donc la 45e plus 3 là, dans les arrêts de jeu de la première demi, ouvre la marque du côté de Barcelone. Par la suite, en fait, début de deuxième demi. À ce moment-là, on était à égalité au niveau des points, mais Arsenal a l'avantage parce qu'ils ont plus de buts à domicile. Exactement. Okay. Donc, par la suite, Arsenal met beaucoup de pression sur Barcelone et sans vraiment faire exprès parce que c'est Bousquet qui marque contre son camp. Donc à la 53e, ce qui portait Arsenal en avant au niveau du score cumulé. Mais c'était sans compter la riposte de Xavi Hernandez à la 69e qui venait porter la marque de ce match 2-1 et au score cumulé 3-3. Donc tout était encore possible. Et à la 71e minute, on vient faucher Messi dans la surface de réparation. La gaffe. Oui, on donne un tir de pénalité. Je suis pas tout à fait certain qu'on aurait dû donner un tir de pénalité sur ce jeu. Mais bon. Le principe, c'est qu'en étant dans la surface de réparation, on a automatiquement un tir de pénalité, non? Oui, effectivement. Mais c'est un peu le même principe que lorsqu'on donne un tir de pénalité au hockey. C'est-à-dire que si le joueur touche la rondelle au hockey, si le joueur touche la rondelle avant le joueur, on n'accorde pas de tir de pénalité. On dit que c'est un magnifique jeu défensif. Okay, c'est un peu la même chose. Okay, tu voyais pas une faute, toi, tout à fait. C'est sensiblement la même chose du côté du soccer. En fait, c'est exactement la même chose du côté du soccer. Le joueur avait touché le ballon avant de... Mais moi, j'ai l'impression qu'il l'a fait. D'autres vont dire que non. Donc, c'est très serré comme jeu. Mais bon, au final, l'arbitre a décidé de donner le penalty. Et Lionel Messi s'est exécuté à la gauche du gardien à ras le sol pour porter la marque 3-1, ce qui, au score cumulé, donnait l'avance 4-3 à Barcelone, qui passe à la prochaine ronde. Fait à marquer également à la 56e minute, un des meilleurs joueurs d'Arsenal, Van Persie, s'est vu octroyer un second carton jaune et ainsi le carton rouge. Donc, il s'est vu montrer la porte de sortie. On a dû se défendre à 10 du côté d'Arsenal pendant les 40 dernières minutes. Donc, évidemment, ça n'a pas aidé. Mais ça promet pour la prochaine ronde, parce qu'on a quand même des affrontements qui risquent d'être très intéressants, et je suis franchement très heureux que le FC Barcelone passe à la prochaine ronde. C'est vraiment mon équipe, eux et le Real Madrid, là, c'est vraiment les équipes que je préfère. Du côté de l'Impact, Adam Braz prend sa retraite. Grosse tristesse là du côté de l'Impact. Quand même un des défenseurs les plus solides qu'on a eu dans les dernières années. Quel âge Adam Braz? 30 quelques années. Okay. Là, je pourrais pas te dire exactement. Je crois que c'est 36, 37 ans. Oui, tu peux y aller. Décision surprenante, mais en fait... 1981, Adam Braz. Mon Dieu, 29 ans. 29 ans, je suis surpris un peu. Effectivement, très jeune. Là, tu me jettes un peu à terre. Ouais, je pensais qu'il y avait une dizaine d'années de plus. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on voit Adam Braz. Ouais. Là, je veux dire, évoluer avec l'Impact de Montréal depuis 2002. À part quelques petites départs, où est-ce qu'il s'est dirigé vers le Vasteras SKFK. Donc, j'imagine que toi, tu sais pas plus que moi. C'est un gros... Merci de ne pas me porter d'intention. C'est un club suédois et une année avec le Toronto FC du côté de la MLS. Donc, du côté de Braz seulement 1981, j'étais moi aussi certain qu'il était plus vieux que ça. C'est très surprenant maintenant, encore plus avec l'âge, parce que Adam Braz est un défenseur solide, un des leaders de l'équipe, et on croyait bien le voir entrer en MLS pour justement poursuivre un peu l'apprentissage avec les jeunes jusqu'en MLS. Mais il faut dire que le très bon travail de Philippe Billy à la même position là qu'Adam Braz a peut-être poussé un peu Braz vers la porte de sortie. Également nouveau joueur de l'Impact dont le nom de famille m'échappe mais dont le prénom est Bonheur. Révélation un peu aussi là du côté du camp d'entraînement de l'Impact, donc Braz qui est un peu poussé vers la sortie. Une autre nouvelle de l'Impact, une autre excellente nouvelle de l'Impact qui est sortie mercredi dernier. Je vous lis la dépêche de la presse canadienne. L'Impact de Montréal fera sa rentrée dans les grandes ligues en 2012 dans un tout nouveau grand stade. Le stade Saputo, amélioré et agrandi, accueillera les amateurs de soccer à l'occasion des débuts de l'Impact dans la MLS dans un an. C'est la concrétisation d'un rêve, a affirmé le président de l'Impact, Joey Saputo, pas uniquement pour nous, mais pour toute la communauté de soccer de Montréal et du Québec. Le stade sera reconfiguré et on y érigera un toit qui surplombera les rangées supérieures, soit l'équivalent du tiers des gradins. Sa capacité sera augmentée à 20 341 sièges, soit 7 307 de plus qu'actuellement. Vous pourrez aller voir là sur rds.ca dans l'onglet soccer, l'onglet Impact. On voit une maquette du stade Saputo. Ben, à vrai dire, on la voit super bien sur le site de l'Impact. Ah, on la voit encore mieux sur le site de l'Impact. L'image est un petit peu plus claire, un petit peu plus grosse. Je vais aller voir ça de ce pas. Donc, et on voit Joey Saputo, Richard Lejeune, à qui on a demandé de pointer l'écran, l'image pour faire, ça fait donc beau, hein, tu sais, ces poses-là, là. Ouais. Ah non, mais pointe, là, comme si on venait de découvrir l'image. Ouais, ouais, c'est ça, comme si on l'avait pas construit dans les derniers temps. Écoute, je le trouve pas sur le site de l'Impact. En fait, pour ceux qui sont déjà allés au stade Saputo, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer, on va remplir les coins. On va, ouais. Donc à ce niveau-là, c'est le côté qui est au soleil, qui pour ceux qui y sont déjà allés, là, c'est le côté qui est au soleil qui va être augmenté, dont on va y apposer un toit. Alors, on va surtout aussi rajouter du côté du stade olympique, où est-ce qu'il n'y avait pas d'estrade, on va rajouter une estrade aussi. Donc ouais, ça en fait, rajoute, où là où il y avait les loges. qui étaient en fait des tentes montables ouais, là, un peu chapiteaux là du côté de où on va pour les restaurants. Donc à ce niveau-là, très beau stade du côté de l'Impact et ça me fait dire 20 000 personnes et 2013 Coupe du monde féminine 2015 pardon Coupe du monde féminine fort probablement qu'on va pouvoir jouer dans ce stade. Je pense que c'est assuré ça. Ouais, avec 20 000 personnes et ce qui est encore plus intéressant. Même avec 13 000 personnes, ouais, je pense qu'on jouait là. Mais ce qui est encore plus intéressant, messieurs, on en parlait il y a quelques temps, une classique héritage hivernale du côté du Canadien serait maintenant possible dans un stade agrandi à 20 000 personnes si on y ajoute environ 2 500 places environ pour donc de très grandes chances de ce côté et je vais continuer de faire comme si Nicolas ne parlait pas, pas de recevoir une classique héritage dans ce stade. Et je vais te dire pourquoi il n'y a aucune chance que ça se joue au stade Saputo, même si je crois même pas au stade Percival Molson. Tout simplement parce que du côté du stade Percival Molson, on a beaucoup plus d'estrades sur les côtés, donc beaucoup plus près de l'action, alors qu'au stade Saputo, au bout, on va être beaucoup plus loin. Il y a plus de place au stade Molson aussi. Et on peut, du côté il y a un building, là, un immeuble de l'Université McGill, on peut venir, dans le fond, pas centrer la patinoire totalement, la mettre un petit peu plus vers le côté de la montagne et venir installer des estrades temporaires à cet endroit-là où on pourrait peut-être rajouter un 2-3 000 places. Ce qui pourrait rendre vraiment l'expérience beaucoup plus intéressante. Donc, même si je crois pas qu'un jour il va y avoir une classique hivernale à Montréal, si classique il y a à voir, je crois qu'elle va se dérouler du côté du stade de McGill, Percival Molson, aussi parce que c'est du gazon synthétique, donc je pense que ça l'aide beaucoup plus à l'installation que du gazon naturel. Ouais. Donc c'est pour ça là, mais c'est rien contre toi. Non. Mais bravo à l'Impact, magnifique stade. Seule chose qui va m'attrister dans cette construction-là, de façon, c'est qu'en rajoutant des estrades du côté du stade olympique, on va perdre un peu la fameuse vue qu'on avait avec la tour du stade olympique. Ouais, mais bon. Mais je trouve que ça donnait. Ouais, ça donnait je regarde les images présentement, puis ça donne de quoi de. Ça donnait un aspect quand même. On avait le derrière de la tour et. Un aspect héritage un peu, on pourrait-tu dire comme ça? Oui, effectivement. En fait, ça donnait un bel angle aussi là sur ce que pouvait donner le panorama montréalais, cet endroit-là, parc olympique. Mais je crois pas. Je pense qu'on va voir encore la tour malgré les installations. Et puis je crois que c'est nécessaire quand même du côté du stade Saputo là. Saputo qui devient, selon moi, malgré évidemment là, la beauté internationale, et je tiens encore à rajouter internationale du stade olympique. Mais selon moi, au niveau national ici, pour le Québec, ce qui va attirer les gens au Parc olympique, c'est le stade Saputo. Oui, définitivement. Puis peut-être quelques événements contre des gros clubs au stade olympique, mais pour le reste, ça va jouer à l'extérieur. Oui, probablement, mais avec 20 000 places, on est en mesure également de continuer à augmenter le nombre de places du côté plus ombragé du stade aussi, là, si jamais on veut. Besoin il y a. Oui, exactement. Non, mais je veux dire, on reçoit un autre assez Milan ou en finale de Ligue des Champions. On va recevoir Thierry Henry le 11 mai et le Red Bull FC. Donc, nos billets vont être bientôt réservés. Là, la mise en vente se fait très bientôt. Donc, évidemment, je vais être du match. Alors, c'est ce qui conclut ta chronique soccer. Je te remercie beaucoup, Philippe. On s'en va à une pause au retour. On va discuter. Honnêtement, mesdames, messieurs, on voulait faire une analyse de la fin de la saison des Patriots, aller un petit peu plus en profondeur là-dessus, mais on a beaucoup trop parlé du cas Shara Pacioretty. Donc, au retour, on va parler par contre tout de même des Patriots. On va parler du soccer des Patriots, qui les séries éliminatoires débutent cette fin de semaine. Et ensuite, on va parler d'hockey à Mauricie. Et ensuite, on vous laisse aller dîner. Donc, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Vous voulez nous rejoindre? Vous voulez nous envoyer vos commentaires par rapport au cas Pacioretty, ça va nous faire plaisir de vous lire en ondes, si tant il y a. Live à commercial, inconduitedepartie.com. Sinon, notre site web, toujours, inconduitedepartie.com. C'est fou, c'est dans vos oreilles. 89-1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus.

Et on va maintenant parler des Patriotes de l'UQTR. Ils sont en accès. Ben, allons-y tout d'abord avec la Patriote de la semaine. C'est Marie-Ève Girouard, la membre de la formation de volleyball de l'UQTR, qui a fait une solide performance là, pour permettre aux Patriotes de remporter les 3 victoires lors du dernier tournoi de la saison à Rimouski, à l'UQAR. Ainsi, les Patriotes... du métal. Ainsi, les Patriotes terminent au premier rang avec une fiche parfaite de 9 victoires consécutives. On avait eu un beau débat sur si Rimouski était la ville du métal. La réponse, c'est oui. La musique. La musique. Ah. Oui, oui. Pas le matériau. La musique. La musique. C'était intéressant ce que tu disais avant qu'on débatte. Oui. Donc, 9 victoires, les Patriotes qui ont terminé premier. Donc, Marie-Ève a excellé en attaque avec 14 attaques marquantes pour 94% de réussite. De plus, elle a été la meilleure des Patriotes en réception de service en obtenant 90% de réussite au service. On voit que du côté de l'équipe féminine, oui, là, on a Marie-Ève Chenoir. On avait beaucoup vu Kim Gladue aussi qui a gagné quelques prix de Patriotes de la semaine. Donc, content de voir qu'il y a, pas que deux bonnes joueuses, mais que c'est pas seulement l'équipe d'une joueuse du côté des Pats. Marie-Ève complète sa troisième année au baccalauréat en enseignement d'éducation physique et de la santé. C'est le fun, pareil, parce qu'il n'y avait pas d'équipe de volleyball à l'UQTR jusqu'à tout récemment. On en fait une, donc quelqu'un qui est à sa troisième année, donc j'en déduis qu'il termine cette année logiquement, qui dans ses deux premières années ici a fait aucun sport. Là, tout d'un coup, boum, attends une minute, là, je vais aller jouer au volleyball, ils se font une équipe, je vais aller voir ce que ça peut donner. J'imagine qu'elle avait joué au cégep, ouais, mais sûrement. Quand même, parce que je pense pas qu'elle pratiquait juste durant les épuchettes de blé d'Inde l'été, là. donc c'est le fun pour voir ça. Et tu sais, on parlait d'attirer des nouveaux étudiants grâce à des programmes comme ça. C'est une possibilité, là, des filles qui vont sortir des Diablos volleyball et qui vont peut-être faire, je vais aller à l'UQTR parce que je veux rester dans mon coin, puis ils ont une équipe de volleyball, ce qu'il n'y avait pas avant, donc j'irai pas du côté de Laval. Et on va maintenant parler soccer là, du côté des Pats. Ils disputent, les hommes et les femmes sont en action cette fin de semaine. C'est les quarts de finale de la Ligue universitaire du Québec. Autant chez les hommes que chez les femmes, on est au même moment de la saison. Et c'est dimanche les deux matchs. Tout d'abord à midi au centre sportif Alphonse Desjardins, les filles vont affronter le Rouge et Or de l'Université de Laval. Du côté des filles, on avait terminé au quatrième rang, si je me trompe pas, cinquième rang du côté des filles. Donc le cinquième rang, ce qui fait qu'on affronte l'Université Laval. Par contre, ça se déroule au Centre sportif Alphonse Desjardins parce que le Centre sportif est un petit peu mieux adapté, là, très bien adapté pour recevoir ces matchs-là. Donc, plusieurs équipes vont venir jouer ici là, du côté de l'UQTR. J'ai le goût de dire de l'UQTR, non. Du côté de Trois-Rivières, tout simplement. On peut parler aussi, du côté de l'entraîneur Justin Tapsoba, je vous lis ce qu'il avait à dire. Nous avons progressé tout au long de la saison de soccer intérieur. Notre récupération de ballon s'est nettement améliorée. Les filles ont été menaçantes en attaque à tous les matchs. Toutes sont confiantes qu'elles peuvent rivaliser avec les filles de Québec et nous tenterons d'atteindre la demi-finale pour une première fois à vie au soccer intérieur 11 contre 11. Et oui, je pense, Philippe, on peut en témoigner là, du côté des filles. Belle amélioration, particulièrement entre la saison hivernale et la saison d'automne et la saison d'hiver du 11 contre 11, on a vu une belle progression, ce qui fait que les filles ont, parce qu'on avait terminé 7e, si je me trompe pas, cet hiver, avec un gain. Ouais, je crois. On en parlait un peu en se disant, c'est une équipe en rodage, il va falloir qu'on améliore la sauce, évidemment, puis qu'on voit, on parlait même d'une division 1 dans des années-lumière, donc, et là, aller voir aller à l'intérieur, il y a de quoi, non, mais sans nécessairement parler de division 1 l'an prochain, mais il y a de quoi au moins amener une carte de visite. Ouais, donc, c'est ça. C'est ça pour le soccer. Ben, c'est sûr que le soccer intérieur et extérieur aussi, c'est pas la même donne. Il y a peut-être des joueurs qui jouent à l'intérieur qui ne jouent pas à l'extérieur et vice versa plutôt là, qui préfèrent seulement se concentrer sur le soccer extérieur. Mm-hmm. Donc c'est ça. Mais là au niveau du classement, on a été à égalité là entre l'UQTR et Laval. Ça s'annonce comme un match extrêmement serré. Laval va porter le dossard foncé ou du moins le dossard local. Je sais pas si ça va être le foncé là, mais le local du côté de Laval, c'est qu'on a gagné notre partie contre les Pats. Je veux juste essayer de vous trouver le compte. Philippe, trouve-moi. Ça s'était terminé 4-3 en faveur du Rouge et Or. Ça s'était disputé le 13 février, ici même au Centre Alphonse Sportif. Centre sportif Alphonse Desjardins, plus tôt. Du côté des hommes, ils sont aussi en action. Ça va être contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. C'est aussi dimanche le 6 mars, mais c'est à 16h. On risque de voir les joueurs de hockey peut-être rendre visite à... Je serais pas étonné, là. Tantôt, J.S. Breton posait des questions. J'ai croisé J.S. et Cédric Pinard, l'homme des communications, là, du côté des Pats. Il me disait justement que J.S. posait des questions sur les matchs en fin de semaine. Ils sont supposés être là. Pas intéressant, je pense. Oui, d'ailleurs, les représentants des Pats qui étaient dans l'autobus pour aller à McGill ont fait leur promo. Pour dimanche prochain, que j'ai trouvé ça très justifié. Moi, je vais m'y rendre. Personnellement, je vais aller voir ça. Allez voir, là. La fête à ma copine, je sais pas si je vais avoir assez d'airless pour y aller, par contre. C'est la fête à ta blonde? Oui, c'est la fête prochain. À ma blonde dimanche. Tu fais ça le soir? Ben, ouais. T'es-tu en couple, toi, Marc-Antoine? Non. Non, bon, c'est ça. On en parlera après. Non, c'est pas vrai. Je te salue, Marie-Pierre, avec toi qui dois dormir en ce moment. Alors, ben, c'est vrai, par exemple, là, ce que Marc-Antoine dit, là. Quoi? Ben, il n'y a pas de 11h à 5h. Il n'y a personne qui fête sa fête de 11h à 5h. De toute façon, c'est pas mon travail. Ben, quand? Ben, oui. Hein, je travaille les dimanches. Tu vas pouvoir y acheter un plus gros cadeau. Je viens tellement de te peinturer dans le coin. Je viens quand même d'y acheter une bague. Hein, fait que, Oui, effectivement. Hein? D'ailleurs, nos félicitations à vous deux nouvellement fiancés. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on revient aux Patriotes là, pour ce match-là. Les Pats ont terminé au troisième rang du classement de la Ligue universitaire du Québec en vertu d'une victoire par le pointage de 4-2 aux dépens du Vert et Or dans une partie chaudement disputée plus tôt cette année. Donc, ça sera pas un match facile du côté des hommes non plus, mais je pense qu'on peut s'attendre. Je dis pas qu'on peut s'attendre à une victoire parce que ça peut surprendre. Des fois, suffit d'une mauvaise performance, mais Sherbrooke ont pas une... écoute, on a fini sixième au classement tout juste devant Concordia qui sont absolument pas une force, là. Concordia qui avait quand même réussi à battre les Patriotes durant la saison. Donc, quand je dis qu'on peut avoir des surprises, c'est le cas vraiment. À la dernière saison, celle d'automne, on avait éliminé Sherbrooke en série. Donc, ça risque d'être intéressant. La rivalité va être bonne. La réponse. 16h du côté du centre sportif. Alphonse Desjardins, c'est au Cap. C'est pas loin. Allez voir ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais vu ça, un match de soccer, puis qui vont trouver ça plus surprenant qu'ils pensent, puis plus intéressant qu'ils peuvent le penser. Ne serait-ce que pour le building également, qui est extrêmement impressionnant. Donc, voir la qualité de ce sport, parce que honnêtement, là, soccer universitaire, c'est la qualité de jeu est magnifique. Et dans un amphithéâtre, bon, ça sent le terrain de soccer intérieur, là, ça sent le gymnase, là, ça ramène des sentiments, mais c'est tellement énorme, c'est immense, donc vraiment c'est très intéressant à assister à des matchs au Alphonse Desjardins, encore plus quand le calibre est là. Et cette année en plus, les filles sont très fortes, les gars aussi, donc. Ça va être intéressant. Donc, midi, 16h, les matchs chez les hommes, chez les femmes et les hommes respectivement. Et on serait un peu malhonnête de ne pas en parler. On a quand même parlé de hockey universitaire durant toute la saison. La Coupe Queens se débrouille cette fin de semaine. C'est à 3h30 du côté du Thompson Arena à Londres, London, en Ontario. Les Mustangs de Western vont donc affronter les Redmen de McGill qui, dans ce match-là, vont agir comme équipe locale, si je me méprise pas, vu qu'ils ont terminé plus haut classement. Donc, les gens qui sont intéressés de voir ça, ça va être sur Internet, ssncanada.ca. Ça va en musique rapidement, Rockstar du groupe Rippé. Et au retour, on discute de hockey en Mauricie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Cash nation. Repay avec la chanson Rockstar. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On va y aller avec hockey en Mauricie. Qu'est-ce qui se déroule là du côté de la des différents circuits là qui se disputent à du côté de Trois-Rivières, du côté du Cap de la Madeleine, parce qu'on va aussi parler des estacades. Tout d'abord, du côté des Dragons du Collège de la Flèche, on est en action. C'est cette fin de semaine. C'est le 12, donc demain samedi à 15h30, ça va être du côté de Lionel-Groulx. Donc on va affronter le Cégep Lionel-Groulx là du côté des Dragons. Et les Dragons, bon, ben les séries éliminatoires s'en viennent à grands pas. Il ne reste pas beaucoup de matchs. Et si on veut l'emporter, si on veut bien se classer, bon, on est toujours à égalité avec le Cégep de Saint-Laurent, 38 points. Alma, qui est pas très loin aussi en arrière avec 36 points. Par contre, du côté de la Flèche, on a un avantage. On a un match et deux matchs en main, respectivement, face aux deux équipes qui nous suivent. Par contre, là, du côté de la Flèche, je pense qu'on peut oublier le deuxième rang qui est occupé par Champlain Saint-Lawrence avec 45 points. On va maintenant parler de Ligue nord-américaine de hockey là, du côté du Caron Aigué. Il reste pas beaucoup de matchs non plus là la saison. On est en action ce soir. C'est le dernier match à domicile du côté du Caron Aigué. Ça va être contre le Marquis du Saguenay. Il me semble que le Marquis, on a beaucoup joué là, contre eux dernièrement. Et ce match-là est à 20h au Colisée de Trois-Rivières. Donc, dernier match, j'imagine qu'il va y avoir probablement des promotions, quelque chose comme ça. Mais on va vouloir, là, du côté du Coron Aigué, un peu créer un momentum positif pour rentrer en série, ce qui est très comprenable. On sait que les séries, la saison et le hockey de saison et le hockey de séries éliminatoires, c'est pas la même chose, mais pas du tout. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, là, vraiment. Du côté du classement, là, pour la Ligue nord-américaine de hockey, on est toujours au deuxième rang. Du côté du Coron Aigué, un point d'avance sur Thetford. Et du côté du Marquis, on est avant-dernier. Donc, on n'a pas. C'est pas un gros club, mais c'est un peu présentement la bête noire là, du Coron Aigué. Ça me fait penser, et là, je sors du hockey en Mauricie, mais pour parler de quelque chose qui se rapproche énormément du hockey qui est en Mauricie, les Éclairs de Shawinigan dans la Ligue, je sais plus laquelle, de senior, cross. Senior du Québec, je crois, ça, quelque chose comme Québec, ça. Senior du Québec en cross, qui déménage de Shawinigan et qui s'en vient à Trois-Rivières. Ouais, donc, on va avoir le plaisir de pouvoir voir les Éclairs Vikings, Spartiates, Rouge et Or, Bleu et Vert. On ne sait pas encore trop le nom. On parle de plusieurs noms. Mais ouais. On verra ça très bientôt, donc dans un aréna près de chez vous. Et finalement, au chapitre des nécrologiques dans le journal de ce matin, vous pourrez retrouver les estacades de Trois-Rivières. Le club Midget 3A s'est incliné hier en deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue Midget. Une défaite de 6-3 contre les cantonniers de Magog. C'était un 3-5 cette série-là et on l'a emporté en trois matchs du côté de Magog. C'était plutôt simple. Toutefois, on avait réussi à ouvrir la marque très tôt en première période. Jonathan Deschamps, son premier des séries à 46 secondes. Mais par la suite, Magog a inscrit pas moins de 4 buts sans riposte. Seul Anthony Lapierre-Terrien et finalement Pierre-Olivier Grandmaison ont réussi à donner un peu d'espoir aux estacades en troisième période, mais ça ne fut pas assez. Victoire de 6-3 du côté des estacades. C'est dommage du côté des estacades. L'an dernier, on avait très, très bien performé tout au long de la saison, en série ouais. Également. Puis là, ben, cette année, un peu plus de difficultés des joueurs qui quittent. Donc, on va falloir recommencer à nouveau du côté des estacades, mais c'est toujours un bon programme. Mais c'est tellement une école magnifique. Donc, on va pouvoir attirer d'excellents joueurs du côté des estacades. Oui, je suis pas trop inquiet, même aussi là, du côté des estacades. Tu parlais de c'est à recommencer. C'est un peu tout à recommencer ouais, hein, au Midget 3A. Ce qui est important, c'est ce que les estacades font bien, c'est de bien bâtir ta région. Oui. Et le programme des estacades fait que tes joueurs évoluent même dans ton école et montent progressivement. J'imagine certains joueurs peuvent venir se greffer à ça, mettons... parce que j'imagine qu'on a les territoires de Nicolet et Bécancourt là du côté des estacades et ouais, ben probablement, peut-être Shawinigan aussi, j'imagine. Il y a des chances. Je connais pas je exactement pas le territoire là parce que sinon l'autre équipe la plus proche de Midget 3 c'est Crabtree. Ouais. C'est chez nous, ça. Ouais, Crabtree Québec. Ouais. Donc si on n'a pas Shawinigan, je me demande beaucoup où est-ce que Shawinigan évolue dans la ligue Midget 3A du Québec. Je suis pas mal sûr que c'est ça dans le fond. Il y a de fortes chances. De fortes chances parce que on doit tout d'abord, si je me trompe pas, on doit tout d'abord du côté d'un joueur évoluer se rapporter à l'équipe de notre propre territoire. Donc mettons le petit Jimmy qui évolue qui est de Shawinigan, va se rapporter aux estacades, puisque selon Hockey Québec, il évolue dans ce territoire-là. Et ensuite, le petit Jimmy va faire le camp d'entraînement. S'il est coupé, à ce moment-là, il devient libre pour les autres équipes de la région. Et on a vu des cas où des joueurs ont été coupés, même Couturier. Sean Couturier avait été coupé. Sean Couturier a été coupé par Hockey Québec. C'est ramassé au Nouveau-Brunswick. Il va être premier choix de la Ligue. Ah non, mais je te parle pas par Hockey Québec. Moi, je te parle par son équipe Michetoua. Oui, oui, là. Non, mais ça, c'est ça. Mais, c'est la même chose, mais à un niveau régional. Moi, je pourrais te parler. Écoute, c'est le nom qui m'échappe du joueur qui évolue présentement junior majeur, mais j'ai un blanc. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Qui avait été coupé par les Gaulois du Collège Antoine Giroir, moi dans mon coin, qui ensuite a été joué, si je me méprise pas, à Charles Lemoine, qui est pas mal l'équipe la plus près. Si je me trompe pas, c'est Guillaume Goulet, mais je suis pas sûr à 100%. Qui avait été évolué dans une autre école et maintenant évolue junior majeur, pas de problème, et même un bon joueur là, du côté de Goulet. Donc c'est très bon là pour. Non, c'est pas Guillaume Goulet là, j'ai malheureusement. Et Mario Pouliot, l'entraîneur des Dracos du Bécomo, disait justement, gars, ça avait fait un froid quand on l'avait coupé, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Oui. Je pense que le cas, on en a parlé beaucoup, mais le cas Chara et Pacioretty, ça continue à parler. Ouais. Il y a même une manifestation là, qui s'organisait du côté. Lundi et mercredi prochain, je crois. C'est pas jeudi, en tout cas. Bref, surveillez ça la semaine prochaine, la manifestation pacifique pour justement là. C'est esclandres, mon Dieu, hein? En espérant que ça soit pacifique. Vendredi matin, vous n'attendiez pas celle-là? En espérant que ça soit pacifique, parce que la majorité des manifestations qui ont lieu avec le Canadien, c'est pas le temps de se pointer là avec un chandail des Bruins. Non. Allez pas faire les fous. Si vous avez un chalet des Bruins, si vous avez un chalet de Chara, soyez que ce soit celui des Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Donc, merci beaucoup. On se laisse en musique avec NoFX, Champs-Élysées. Bonne fin de semaine, tout le monde! Guitar à la main, le soir.